La belle Nelly de Charles Hiriart. Un soir de l'hiver dernier, au club, adossé à la cheminée, vous m'avez demandé brusquement, mon cher Maxime, de ce ton railleur et sceptique que démentent votre cœur fier, votre droite raison et une âme sensible, comment j'avais été pincé, et pourquoi, vieux parisien de naissance, de race, de relations et d'habitudes, depuis bientôt 20 ans, j'ai porté mes lards de l'autre côté du détroit. Je chasse le renard dans les comtés au lieu d'être des vôtres à Fontainebleau, ne faisant plus à Paris que de rares apparitions et n'y gardant qu'un simple pied-à-terre. Si restreint et si sympathique fut le cercle d'amis réunis ce soir-là dans le fumoir, ni le lieu, ni la nature du récit que vous me demandiez ne me permettait de répondre. Mais j'ai pris l'engagement de vous faire un jour mes confidences. Je tiens parole. Ce sera un récit en ton mineur, une de ces confessions qu'on fait à voix basse, à un ami du cœur auquel on ne craint point de laisser voir à nu le fond de son âme, de dire ses tristesses profondes, ses ivresses d'un jour, et les joies tranquilles d'une existence désormais fixée et à l'abri des orages. C'était en 1867, l'année de l'exposition universelle. Paris battait son plein et vivait dans la fièvre. Nous hébergions la plupart des princes de l'Europe, empereurs, rois, sultans. Et depuis le tsar et le commandeur des croyants, jusqu'au fier monténégrin, tous avaient quitté leur royaume pour assister à une sorte d'apothéose des arts et de l'industrie du monde entier. C'était des galas, des revues, des fêtes et des manifestations sans fin, et chaque Parisien, j'entends de ceux qui sont un peu cosmopolites par leur voyage ou leurs relations de famille, avait ses hôtes dont il se constituait le cicérone, auquel il faisait de son mieux les honneurs de ce beau Paris qui, 3 ans plus tard, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Un matin, on m'annonça la visite d'un Anglais, Sir W. W., qui arrivait en droite ligne des Indes et se présentait muni d'une lettre d'introduction signée du nom d'un ami, dont il n'est pas facile de respecter l'incognito, car il est célèbre dans les deux hémisphères. À 20 ans, secrétaire de Lord Elgin, O. avait déjà parcouru tout l'empire des Indes, franchi l'Himalaya, chassé le tigre et l'éléphant chez les plus puissants rajas. À 30 ans, lors d'un soulèvement à Yedo, crucifié à la porte de la légation anglaise et cruellement martyrisé, il n'avait échappé que par miracle au sort de notre compatriote d'Esquerac de Lauture. À 35 ans, membre du Parlement anglais, écrivain très apprécié par le récit de ses voyages et ses romans de mœurs, après des péripéties qui tenaient plus de rêve que de la réalité, il avait fait litière de tous les biens de ce monde, répudié les honneurs, la fortune, la gloire, le prestige que donne une existence curieuse, agitée, un beau nom écrit à la pointe de l'épée et un désintéressement rare joint aux dons les plus précieux de séduction personnelle. Revenu de bien des choses, il était allé s'établir au bord du lac Erie, se soumettant à des privations volontaires, au travail manuel, vivant au sein de la nature, à la recherche de la vérité, dans une exaltation tranquille. Depuis, enfin, montant toujours plus haut, et se détachant davantage de tout lien terrestre, spiritualisé au point de ne plus prendre d'intérêt aux grands événements qui secouent le monde, mon ami, devenu chef d'une secte et d'une religion, vivait à Haïfa, à 2 jours de Jérusalem, et c'est de là qu'il a lancé ses écrits bizarres et apocalyptiques où il annonçait au monde la bonne nouvelle. Sir W. W. fut le bienvenu. Fils d'un amiral anglais, appartenant à une de ces nobles familles non titrées dont on dit en Angleterre « God Family », la reine venait de reconnaître ses services en le faisant baronnet. Attaché de bonne heure au Foreign Office, il était devenu résident dans l'un des districts du gouvernement des Indes, et quoiqu'il dépassât de bien peu la quarantaine, il avait acquis le droit de rentrer dans la métropole après une carrière bien remplie. Sa santé d'ailleurs était précaire, il n'avait pas échappé aux fièvres, le fléau des Indes, et avait failli en être victime. Assuré d'un siège au Parlement par ses relations de famille et l'estime du chef de son parti politique, Sir W. revenait soutenir sa candidature dans son comté où une vacance venait de se produire. Avant de rentrer en Angleterre, il voulait profiter de cette occasion unique de voir Paris, la ville prestigieuse, dans des circonstances qui ne se représenteraient jamais. On parle du coup de foudre de l'amour. celui de la sympathie et de l'amitié, est plus soudain encore, et sans médire de l'attrait divin, les liens qu'elle crée durent davantage. En 8 jours, nous étions amis. Sir W. m'avait tout dit de sa vie et je savais la sienne. Il me semblait connaître son père, un vieux marin qui l'adorait. Je lisais même parfois les lettres de sa mère et celles de son unique sœur Nelly, beaucoup plus jeune que lui, et pour laquelle il avait une passion touchante. Comme alors j'étais libre et célibataire, nous vivions comme deux frères et nous ne nous quittions presque plus. Mes brillants amis, qui ne voyaient en lui que la surface, c'est-à-dire un homme discret, très silencieux, d'une timidité et d'une réserve incroyables, ne comprenaient pas bien quel genre d'intérêt je portais tout d'un coup à ce nouveau venu que je connaissais de la veille et que dans l'ordre probable des choses, je ne devais jamais revoir ou du moins pratiquer et suivre. Aussi, lorsqu'il venait me convier à quelque partie à laquelle un engagement antérieur avec Sir W. ne me permettait point d'assister, il ne manquait jamais de dire « Villemer à son anglais » et nous de rire du propos. L'étincelle avait jailli, Sir W. avait lu dans mon âme comme j'avais lu dans la sienne, il abdiquait avec moi toute timidité, il comprenait tout de mon langage incorrect, comme je ne perdais aucune de ses pensées exprimées dans un idiome qu'il ne possédait qu'imparfaitement, et tandis qu'irrité de voir que les autres restaient interdits par sa façon de prononcer, il devenait muet avec eux. Dans nos conversations privées, je n'étais jamais arrêté par un doute. Il parlait sans entrave et même avec une certaine chaleur qui lui permettait de s'épancher librement. C'était évidemment le privilège d'une sympathie instinctive. Je ne me dissimulais point d'ailleurs qu'on aurait pu rencontrer Sir W. dans un milieu français sans comprendre à première vue quelle nature élevée était la sienne et quelle énergie latente, quelle réelle supériorité faisait de lui un homme exceptionnel. Les relations personnelles de William et son rang lui avaient valu d'abord ses entrées à toutes nos fêtes officielles où je l'accompagnais. La sympathie réciproque avait fait en outre de mon cercle privé le sien propre. Le goût et la curiosité qu'il témoignait pour ses pompes et ses spectacles, la reconnaissance attendrie qu'il montrait pour le moindre service rendu, m'avaient intéressé, retenu et plongé moi-même plus avant que je ne l'aurais voulu dans le courant mondain, un peu fiévreux pour moi. Je trouvais plaisir à lui montrer les dessous de Paris et à lui en dévoiler les secrets. Nous assistâmes ainsi aux grandes réceptions fameuses, entre autres, à ce bal de l'ambassade de Russie, où le soir du coup de pistolet de Berezovski, quelques heures même après l'attentat, nous voyions réunis dans le salon du comte de Boudberg l'empereur Napoléon III, le tsar, les deux tsarevitch, celui qui devait être le premier empereur d'Allemagne, et le comte de Bismarck, qui n'était encore ni prince ni le grand arbitre de l'Europe. En dehors de ce côté tout officiel et de ces fêtes d'apparat, comme Sir W. avait une grande curiosité à l'égard des personnalités de tout genre, je lui fis connaître nos écrivains et nos artistes illustres, je le présentai enfin dans les foyers, dans les loges des divas et des étoiles de la danse, et Dieu me pardonne, il prit part avec moi à quelques soupers fins dont il ne devait pas faire la confidence à sa famille. Le séjour à Paris de Sir W. devait être au plus d'une huitaine. Un mois après, il ne parlait point encore de départ. Nous épuisions la coupe des plaisirs et grâce à lui, je découvrais Paris, ses monuments, ses curiosités, ses attractions. La vie était bien divisée d'ailleurs. Mes études n'en souffraient point, car mon nouvel ami, comme tous les hommes qui ont vécu dans la solitude, aimait à rentrer en lui-même. Il écrivait beaucoup et lisait davantage, de sorte qu'il respectait mes heures de retraite. Quand, au moment convenu, il entrait dans mon cabinet, s'il me voyait occupé, il prenait un livre et se faisait si petit que je pouvais oublier sa présence. Un jour, après une séparation forcée de 24 heures, je l'attendais chez moi, il ne vint point. Sa ponctualité était telle que, lui donnant à peine le quart d'heure de grâce, je courus à son hôtel. Il n'avait point choisi un de ces modernes caravansérails où le voyageur devient un numéro et ne laisse nulle trace de son passage, mais un ancien hôtel parisien, sans étiquette, sans luxe extérieur, sans salon vaste et salle à manger splendide. Une maison restreinte par sa dimension, confortable, discrète, de bon ton, occupée presque tout entière d'un bout de l'année à l'autre par des étrangers de distinction venus comme lui, pour passer une saison à Paris et qui peu à peu y avait pris racine. Le casuel n'existait donc pas, et M. Paul, l'homme important qui gérait cet hôtel de famille, eut probablement demandé de bonnes références au passant naïf qui, en descendant de wagon, fut venu lui demander de l'héberger. Un des oncles de Sir W., qui venait fréquemment à Paris au temps des Pembroke, des Hamilton et des Hertford, avait habité chez M. Paul pendant de longues années. Le neveu portait le même nom. Par une tradition de la famille, Sir W. était venu là tout droit. Je connaissais tous les êtres de la maison. Je m'engageais dans les couloirs sans rencontrer personne et frappais à la porte de la chambre qu'occupait mon ami. N'obtenant point de réponse, j'entrais et fus arrêté au seuil par cette odorat qui prend à la gorge en pénétrant dans la chambre d'un malade. La table était couverte de fioles étiquetées et de médicaments. Dans l'alcôve, tournée contre le mur, la face presque cachée sous la couverture, gisait Sir W., grelottant de fièvre et les cheveux collés au front. Par moments, le corps tremblait, secoué par un frisson convulsif. J'interrogeai doucement le malade, qui fit un effort et se tourna vers moi. Il ébaucha même un pâle sourire plein de bonté. Sa voix n'était plus la même, ses yeux flottaient dans le vague. Il n'y avait point à douter, en face de la rapidité du choc, que Sir W. ne fût la proie d'une de ces crises de la fièvre paludéenne, la fièvre des jungles, mal terrible auquel il avait échappé déjà, et qu'il importe de conjurer sur l'heure, sous peine de voir celui qui en est atteint, calciné par le feu intérieur. Et mon ami était là, abandonné dans cette grande maison où s'agitait cependant tout un peuple de serviteurs. Mon parti était pris. Dans une heure, j'aurais transporté Sir W. dans mon propre logis, et là, avec l'aide de praticiens énergiques, des amis sûrs, je le soignerais et triompherais du mal. J'appelai donc le maître de la maison, et avec cet air d'autorité qui impose, je m'informai des circonstances. Quand Sir W. avait-il été frappé? Qu'avait-on fait pour conjurer le mal? Que comptait-on faire encore? Pourquoi enfin, en face d'une telle crise, le malade était-il seul et comme abandonné? L'hôtelier, M. Paul, qui avait reconnu le caractère grave de la crise, n'avait qu'une idée fixe, évacuer le malade pour ménager ses clients. Aussi, m'entendant exprimer vivement ma résolution, il sembla soulagé d'un grand poids. D'autant plus que tout à côté de la chambre de Sir W., dans un petit appartement où elle recevait la cour et la ville, logeait depuis plus de 10 ans une vieille dame russe, sa meilleure cliente, qui avait une peur terrible de la mort. « Songez donc, monsieur, disait-il, s'il arrivait un malheur dans la maison, en pleine saison, quel désastre! Nous voyez-vous avec des tentures noires, un enterrement ?» Et selon lui, je devenais un bienfaiteur et le modèle des amis. Il ne fallait cependant pas croire, ajoutait M. Paul, qu'il fût indifférent. Sa maison était connue. Une vraie maison de confiance où le client retrouvait tous les soins de la vie de famille. Dans la circonstance, d'ailleurs, il n'avait pas failli à sa tâche. Le médecin anglais venait 2 fois par jour. Le matin même, il avait télégraphié à l'oncle de Sir W., son client, avec lequel il était en relation directe, et on attendait sa réponse. Enfin, dès le premier symptôme du mal, comme il ignorait ma demeure, M. Paul avait envoyé prévenir 2 jeunes compatriotes de Sir W., dont il me cita les noms et l'adresse. Je me rappelais effectivement que Sir W. m'avait mis en relation avec ses jeunes amis dans un dîner qu'il nous avait offert au café voisin. Avant donc de mettre mon projet à exécution, je jugeais bon de voir ces messieurs, puis de consulter le médecin, et j'exigeais de M. Paul qu'il mît à l'instant une garde au chevet du malade. Le docteur était introuvable. Quant aux 2 jeunes Anglais, au moment où je me présentais chez eux, ils jouaient à la pomme sur la terrasse des Tuileries. J'y courus, fort excité, très inquiet, n'ayant peut-être pas tout le calme nécessaire pour exposer l'incident. J'attendis quelque temps dans le salon, puis on m'introduisit dans la petite loge, fermée d'un fil protecteur en avant du hall, d'où je voyais ces 2 joueurs vêtus de flanelle blanche, coiffés de la casquette à galons bleus, se renvoyer la balle avec dextérité, très attentifs et très surexcités. La voix du marqueur chargé d'annoncer les coups retentissait seule dans ce grand espace vide, et j'attendais avec un peu d'impatience, tout en comprenant bien que le moment était véritablement inopportun pour un tel entretien. Le match fini, les joueurs vinrent enfin, ayant pris à peine le temps d'éponger la sueur qui les couvrait, encore enveloppés de leur vareuse de laine et très intrigués du but de ma visite. Plein de mon sujet, je leur exposais avec une grande véhémence, essayant de leur faire comprendre quelle responsabilité nous encourions tous si loin de sa famille et sans un secours, un homme tel que Sir W, un ami si sûr, une âme si droite, une intelligence si haute, allait s'éteindre dans une chambre d'auberge. Je peignis avec vivacité la douleur de l'amiral, celle de la mère et de la sœur qui, chaque matin, croyaient voir débarquer celui qu'elles attendaient, qu'ils croyaient sain et sauf à quelques pas d'eux, ne faisant que retarder de quelques heures le moment de les revoir, entraîné qu'il était par les grands spectacles de Paris. Quelle déception, quelle douleur pour eux et, pour nous, quelle terrible responsabilité. Tout en parlant ainsi avec animation, ma propre voix, dans ce grand espace sonore et vide, frappait mes oreilles et l'écho me renvoyait mes paroles. J'eus cette impression que mes deux interlocuteurs, parfaits gentlemen, mais fort timides, comme le sont souvent les Anglais, me trouvaient exalté et, disons-le, un peu improper. Plus surpris et choqué qu'ému par mon récit, ils m'écoutaient en rougissant, visiblement embarrassés, et je n'obtins qu'à grand-peine du plus âgé d'entre eux quelques paroles pleines de réserve, émises lentement, à voix basse, comme pour faire contraste avec ma vivacité. Tout en taquinant du bout de sa raquette sa sandale grise à bandes de cuir, le jeune insulaire, avec une certaine fermeté, me fit observer que notre ami William n'était pas seul au monde, qu'en dehors de ses vieux parents, dont d'ailleurs pas plus que moi, il ne connaissait exactement la résidence et qu'on devait se garder d'effrayer prématurément, il avait un oncle, Lord H., connu de tous, très âgé il est vrai, mais encore très vert, facile au déplacement, veuf, sans enfant, dont Sir W. était le parent le plus proche et l'héritier désigné pour une fortune considérable et l'un des plus beaux titres du peerage. Enfin, avec une légère animation et par un effort qui semble à lui coûter, mon interlocuteur me fit comprendre que ses façons d'intervenir dans les affaires des autres sans y avoir été invité étaient des façons françaises, qui n'étaient point dans leurs mœurs et leurs convenances, et que j'outrepassais peut-être mes droits. En homme prudent, il m'engagea même à y regarder à deux fois avant de prendre la responsabilité de transporter Sir W. sous mon propre toit. Rendu à moi-même, une fois à l'air libre, sur cette belle terrasse des feuillants, je regardais à mes pieds tout ce monde brillant qui descendait la grande avenue en revenant du bois, et je me sentais troublé par les raisonnements des jeunes amis de Sir W. Quoique fermant mes projets, je doutais déjà du droit de l'amitié et du devoir qu'elle m'imposait. Mais comment oublier cette face pâle et les traits bouleversés de ce malade entouré d'indifférents? Si cependant sa vie était compromise, s'il allait mourir seul, loin des siens, quel remords! Avant de rentrer chez moi, je revins à l'hôtel. M. Paul avait fait diligence, une garde avait été appelée et le médecin de l'ambassade était au chevet de Sir W. Comme je me plaignais de ce singulier état du malade qui ne semblait même pas s'apercevoir de notre présence et restait inerte, tourné du côté de la ruelle, le docteur, assez au courant de ses fièvres pernicieuses, constata que cette prostration était habituelle à cette affection et qu'il ne fallait point s'en effrayer. Un peu rassuré sur le sort de mon ami, je sortis pour revenir encore une fois, bien avant dans la nuit, et je ne le quittais plus qu'au petit jour. Il continuait à dormir d'un sommeil fiévreux, la sueur perlait sur son visage, et quand par hasard il ouvrait les yeux, il nous montrait un regard flottant et vague, de sorte que je n'eus point la satisfaction de lui faire comprendre qu'il n'était plus seul et que je veillais sur lui. Il faisait déjà jour quand je regagnais mon logis, ne comptant du reste prendre que quelques heures de repos et revenir au plus vite au chevet de Sir W. Le sommeil me fuyait, mais je finis par succomber à la fatigue, et mes gens, qui étaient dans le secret de mes inquiétudes, se gardèrent bien d'interrompre mon repos. J'avais donné des ordres formels au cas où on viendrait de l'hôtel, et à mon réveil, honteux de m'être laissé aller à oublier l'heure, j'eus la satisfaction d'apprendre qu'aucun message ne m'était parvenu. Habillé à la hâte, et me donnant à peine le temps de prendre quelque nourriture, malgré les gronderies de mon vieux domestique, je courus aux Champs-Élysées. La loge de l'hôtel, le petit parloir à l'entrée, était vide. C'était l'heure du dîner. Tout le personnel de la maison était employé au service de la table d'hôte. Partagé entre la crainte et l'espérance, préoccupé de composer mon visage et de bien cacher mon émotion, je m'étais arrêté au seuil de la chambre de mon ami quand la porte s'ouvrit dans le couloir sombre en y projetant une grande lueur. Je dus m'effacer pour laisser passer un jeune clergyman à longue barbe blonde, dont la gravité et l'accent solennel me firent froid au cœur. La chambre était éclairée comme un hôtel. La garde-malade rangeait ça et là. Debout devant un secrétaire dont tous les tiroirs étaient ouverts, un personnage étranger semblait prendre connaissance des papiers de Sir W. J'étais cloué au seuil. Les grands rideaux me cachaient encore la vue du malade. En faisant un pas, je le vis légèrement relevé sur son oreiller, les bras hors du lit, déjà transfiguré par la mort et comme encore plongé dans un profond sommeil. Sir W. avait rendu le dernier soupir depuis quelques heures, emporté par la violence d'une fièvre pernicieuse qui, pas un instant, n'avait cédé aux mesures les plus énergiques, en proie à un constant délire, ne reconnaissant personne et n'ayant hélas personne à reconnaître, puisque tout ce qui l'entourait lui était étranger. Par les soins du docteur, qui me savait brisé de fatigue et n'avait point voulu me prévenir, un délégué du consulat, saisi par l'ambassade, assumait désormais, au lieu et place de la famille, la responsabilité de toute chose. L'oncle de Sir W. était prévenu, et en attendant, l'officier ministériel accomplissait sa tâche avec cette réserve particulière aux Anglais, et parmi eux, aux personnes de sa profession. À peine ce personnage semblait-il s'apercevoir de ma présence. Je le sentais si froid, si loin de moi, que je n'osais même pas l'interroger. Pendant que j'essayais de maîtriser ma profonde émotion, agenouillé au pied du lit, il demanda à la garde quel degré de parenté m'unissait au défunt, et apprenant que je n'étais qu'un ami d'une heure, il reprit flegmatiquement son inventaire, comme si je n'avais nul droit et nul devoir en face de ce lit mortuaire. Je m'efforçais donc de comprimer mes sanglots, persuadé que ma douleur devait paraître excessive et singulière. Le lendemain, dans l'après-midi, nous étions au temple de la rue Roquépine, où à la nuit close on avait porté le corps. M. Paul avait obtenu, à force de démarches, qu'on ne tendrait pas la porte de l'hôtel. La comtesse russe ne s'en serait pas remise. On sait que tout ce qui rappelle la mort est un spectacle cruel pour tout ce monde joyeux qui s'en va poser le pied sur les chemins, cherchant de capitale en capitale le plaisir et la diversité. La nef était vide. 5 personnes seulement assistaient à l'office des morts, sans un curieux, sans un passant. En entrant dans le temple, navré de cet abandon, j'affectai l'air d'un indifférent et pris place au 3e banc. Au premier, debout, se tenait un superbe vieillard de haute mine, cravaté de blanc, soigné, rasé, frais et rose, avec de beaux cheveux couverts de neige et un de ces profils à la Wellington qui font penser à quelques beaux portraits de Sir Thomas Lawrence. Ce ne pouvait être que Lord H., le membre du conseil privé de la reine. À côté de lui avait pris place le secrétaire particulier de l'ambassadeur de Sa Majesté britannique, S., toujours immuable, et le lorgnon vissé dans l'œil. C'était le banc de la famille. Derrière venaient mes 2 jeunes Anglais de l'avant-veille, très correct et d'aspect recueilli. Enfin, j'étais là, bien seul, bien triste, ayant pour tout voisin le garçon d'hôtel qui avait servi Sir W. pendant sa maladie et qui représentait officiellement M. Paul, l'hôtelier des familles, connu dans toute l'Europe par sa sollicitude pour ses clients. Vous savez l'impression que produisent sur nous les graves cérémonies du culte évangélique, ces murs froids, cette absence de toute pompe, la parole grave du révérend familier avec la mort, qu'il coudoie à chaque jour, dispensant du même accent les mêmes prières à chacun de ceux dont il rend les dépouilles à la terre. Ajoutez à cela cette solitude et cet abandon autour du cercueil, et vous comprendrez ma tristesse. Quelle funéraille pour cet ami ardent, pour cette âme pure et ce bon serviteur de sa patrie. N'eût-il pas mieux valu 100 fois pour lui la mort en pleine mer sous le ciel bleu de l'Atlantique et l'immersion sublime dans les mystérieuses profondeurs, au bruit des détonations des canons de bord mêlés au murmure des vagues et aux chants funèbres des vieux marins d'Albion. Cependant, j'avais une mission à remplir. Sir W., dès le moment où nous nous étions sentis sûrs l'un de l'autre, m'avait confié certains objets qu'il croyait plus en sûreté chez moi que dans un hôtel banal. Sa cassette officielle d'abord, contenant ses dépêches, et de nombreux présents destinés à divers personnages et à sa famille, tels qu'armes de prix, menus échantillons des merveilleuses industries des Indes, et des étoffes brillantes qui, dans nos intérieurs européens, apportent un reflet du soleil de l'Orient. Or, malgré nos longues confidences, je ne savais rien de précis sur la famille de William. Je me rappelais bien le nom de Beldorny, d'où étaient datées les lettres de sa mère et de sa sœur, et je savais aussi que c'était la désignation d'une villa qu'ils habitaient dans une des îles du groupe de Wight, mais c'était tout. Puisque le chef de la famille était là, à la fin de la cérémonie, je lui demanderai de lui confier ce dépôt et de dire aux vieux parents de William qu'elle était trop foudroyée par la nouvelle de sa mort, qu'il y avait quelque part à Paris un ami de leur fils qui souffrait de leur douleur et garderait pieusement son souvenir. Avec la dernière prière, tout était terminé. Le corps devait partir le soir même pour l'Angleterre et Lord Dash l'accompagnait. Il n'y avait donc pas à hésiter. Comme ces messieurs se séparaient après avoir échangé un salut cérémonieux sans même se regarder, je m'avançai rapidement vers l'aîné des deux Anglais et le priai, avant de sortir du temple, de me présenter à l'oncle de William. Aucun d'eux ne le connaissait. Leur ami S., le secrétaire d'ambassade, le voyait lui-même pour la première fois, et encore officiellement et par ordre de son chef. Aucun d'eux ne se croyait donc le droit, surtout dans un tel lieu et dans de telles circonstances, d'adresser la parole à Lord H., et encore moins de lui présenter un étranger. Je me heurtais encore à cet odieux respect humain, à cette froideur voulue, toute de convention, qui est une manifestation de notre orgueil et que la simplicité et la bonhomie dictées par la nature et la vérité auraient le droit de fouler aux pieds. Ainsi, il était interdit à ce vieillard et à nous, qui tous deux avions connu et aimé celui qui reposait dans ce cercueil, de nous donner ici une marque de mutuelle sympathie, d'échanger une parole de consolation, d'unir nos prières et de mêler nos regrets. Et il eût été incorrect de ma part de venir m'incliner devant l'octogénaire et de lui demander de porter là-bas à ces vieillards qui attendaient encore celui qu'ils ne devaient plus revoir une parole émue de l'ami qui avait reçu ses dernières confidences. À peine avais-je le droit, pour rester tout à fait homme du monde, de m'incliner légèrement, les yeux secs et le cœur tranquille, en passant devant Lord H. Et cette fois encore, à peine dans la rue, rendu à moi-même, je me disais, pour expliquer cette monstrueuse réticence, que j'étais la victime d'une situation fatale et des conventions mondaines en usage dans une société étrangère que je connaissais assez peu. Ni le lieu, ni l'heure n'autorisaient un inconnu à aller droit à ce vieillard, et ces jeunes gens dont je blâmais la froideur, qu'étaient-ils après tout pour celui que je pleurais? De ces amis du monde qu'on rencontre au club, et qui, présentés par pure formalité, pourraient vivre 20 ans auprès de vous, sans avoir jamais entendu un battement de votre cœur, ni surpris le secret d'une pensée intime. Qui oserait d'ailleurs dire que sous cette réserve et cette glaciale attitude, le cœur d'un insulaire bat moins vite que le nôtre, et sa sensibilité est moins grande? Rien, enfin, il faut bien le reconnaître, n'autorise un Anglais d'un certain monde à en aborder un autre sans avoir été introduit. Je me disais tout cela, je me le répétais, et je reconnaissais encore une fois que si j'étais condamné au silence et à l'isolement en face de ce cercueil, c'est que j'étais la victime des circonstances. Je n'insistais donc point. Rentré chez moi, je pris le dépôt qui m'avait été confié et le fis remettre, dans les formes légales, au délégué du consulat chargé des affaires de mon ami. Tout lien était brisé. Cette douce amitié, où chaque cœur avait plus compté qu'une année pour la confirmer et l'accroître, cette communauté de vues, de pensées, de sentiments et de philosophies qui faisait de moi et de Sir W. deux êtres qui s'étaient reconnus pour des frères, tout cela ne serait plus qu'un souvenir que je ne pourrais même pas partager avec ceux qui l'avaient aimé. Il ne me restait plus qu'à l'enfouir au fond de mon cœur pour le garder comme un trésor et ne jamais le laisser s'effacer.